Monsieur Lumière, c'est bien votre nom ? Oui, mais ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. J'ai déjà été suffisamment torturé par vos sbires. Vous êtes coupable d'avoir été maire de Bitbourg pendant de nombreuses saisons et d'avoir ainsi plongé la ville dans l'immobilité et surtout ouvert la porte aux conspirations les plus ignobles. Mais je n'y suis pour rien. Toute la ville m'est témoin que je n'ai jamais rien fait pour Bitbourg. Je ne vois pas de quelle conspiration vous parlez. Ah, ma réconspiration ! Ah, les conspirations, je vois mieux maintenant. Et que voulez-vous que je vous dise ? Que vous avouiez tous vos crimes et que vous vous repentiez. Ça, je nomme jamais. Même quand j'ai volé des mars au distributeur de la mairie et que je me suis fait prendre par monsieur son conseil, je ne me suis jamais repenti. Eh bien, nous nous en passerons. Voulez-vous bien exécuter la sentence ? La sentence ? Mais je ne sens rien. Ou si peut-être une vieille odeur de poulpe grillée. Voyez-vous, nous sommes dans mon bureau et de temps en temps... Silence ! J'aime bien me faire du poulpe grillé. Alors, je vais griller des amandes et puis ensuite un petit peu de... Une bonne chose de faite. Nous appelons à présent Abdul Pola, épicier de son état. Et poète ? Ouais, nous en conviendrons. Vous êtes coupable d'avoir participé de manière active à la résistance. Oui, oui. Vous en étiez même le chef. Vous avez tout bon. Et vous n'avez pas hésité à vous déguiser en femme pour échapper à notre bonne milice. Votre verge n'a d'égal que votre exactitude. Ma verge ? Mais comment osez-vous en parler ? Vous savez que ce terme est prohibé dans le royaume de Bitbourg. Je veux dire votre verve. Ma langue a fourré. Ouais, c'en est trop. On procède à l'exécution. Ah. Ah, mais lâchez-moi enfin ! Je suis une personnalité importante de cette ville. Ah, monsieur son conseil municipal... Votre cas est grave. Vous avez assisté le maire durant ses 23 mandats et exécuté ses ordres avec zèle et en toute connaissance de cause. Monsieur Vincent, je vous remercie. Ouais, le roi David. Vincent, le roi David. Et c'était pas un compliment. Ah bon ? Alors excusez-moi. Je constate tout de même que c'était votre tâche de servir monsieur le maire et que vous l'avez exécuté avec compétence. C'est un compliment, là ? Ouais. Bon alors, je comprends plus rien, là. Les voies du roi David sont impénétrables. Je vous donne donc une chance de vous en sortir. Je me méfie plus de vous que de l'ouverture facile d'un paquet de gruyère râpé. Mais bon, dites toujours. Je vous propose maintenant de vous rallier à ma cause et de travailler pour moi comme vous l'avez fait pour monsieur le maire avant qu'il subisse le châtiment que je réserve aux traîtres. Comment ? Mais c'est hors de question ! Oh mais, attendez, oui bien sûr, j'accepte avec joie. Bon, quand commence ? Eh bien tout de suite si vous le voulez. Alors avant toute chose, il faut que je vous révèle le secret du maire. Le secret du maire ? Oui. Qui a fait qu'il devienne maire et qu'il le reste si longtemps, avec si peu de compétences. Je dois vous le dire à l'oreille, parce que personne ne doit le connaître. Mais oui, un secret, mais ça c'est formidable, approchez-vous donc là. Garde, tuez cet homme. Mais enfin Jacqueline, pourquoi l'as-tu tué? Cet homme allait me révéler un important secret. Est-ce que tu peux être naïf, Vincent? Il voulait te tuer, il n'y a pas de secret du maire. Ouais, bon, j'aurais bien aimé savoir tout de même. Ah, je commence à me sentir de mieux en mieux, moi. Comme une sensation de légèreté. J'adore faire le bide autour de moi. Tu veux certainement dire le vide ? Jacqueline, je sais bien ce que je dis. Bon, passons au suivant. À la suivante, vil dictateur. Rebecca, vous êtes depuis peu à Bitbourg, je crois. Depuis aussi longtemps que toi, tyran. Silence, vil rebelle ! Je ne me tairai pas, cet homme qui n'a jamais été vraiment bitbourgeois. Souvenez-vous, quand il est arrivé, il n'a cessé de dénigrer cette bonne ville, cherchant toujours la conspiration là où elle n'était pas. Comment peut-on vouloir d'un maire qui n'a pas confiance en sa ville ? Silence ! D'un homme qui voyait chaque citoyen comme un suspect et chaque action envers Bitbourg comme une conspiration. Il suffit ! Je vous le dis, bitbourgeois et bitambourgeoise, nous ne pouvons faire confiance à un tel homme. Ouais ! En vérité, je vous le dis, cet homme est notre ennemi. Ouais ! C'en est assez ! Rebecca, vous outrepassez les bornes. Je demande pour vous, sans plus attendre, la mort. Ouais ! Et la plus douloureuse des morts à toi, Rebecca, comment déjà, qui n'a pas su croire en moi. Mais que fais-tu, Rebecca ? Non, arrête ! Je ne mourrai pas seul, Vincent. Plutôt rayer Bitbourg de la carte, plutôt que de l'avoir livré à un tyran sanguinaire et à une Cléopâtre de bas étage. Rebecca ! J'ai assez d'explosifs sur moi pour faire sauter toute cette pièce, ainsi qu'une bonne partie de la ville. Non, Rebecca, arrête ! Je suis désolée. Tout ceci n'aurait jamais dû arriver. Rebecca, non ! Rebecca, non, non, je t'en prie, non. Vincent, réveille-toi. Non, Rebecca, j'ai jamais voulu cela. C'est Jacqueline, c'est elle qui m'a manipulé du début jusqu'à la fin. Vincent, tu fais un cauchemar. Réveille-toi. Hein? Comment? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vincent, j'espère que tu m'écoutes bien. Oui, je crois. Oh, ma tête. Eh bien, dans la même journée, tu as été destitué, ta complice Jacqueline s'est enfuie, et la foule t'a condamné au Varschenar Strickund Olvidade. Le Varschenar... Oh, ma tête! Le Varschenar Strickund Olvidade! C'est la peine capitale à Bitbourg. Tu te rappelles ton pot de départ au bureau du secteur? Ben oui, il y avait à boire, et ces petits gâteaux secs qui donnaient une impression bizarre. Eh bien, c'était la même chose, puissance 10 000. Mais tu peux être fier maintenant. Fier? Tout le monde parle de toi. De moi? Oui. Ne fais pas ton Vincent David, tu as la tête comme un Vincent David. Et grâce à toi, tous les enfants de Bitbourg mangent du concombre à la crème. Concombre? À la crème? Ou sinon, on leur dit, si tu ne manges pas ton concombre à la crème, le roi David va venir te voir et te montrer sa grande conspiration. Mais le procès et la rébellion, oh mon Dieu, j'ai trop mal à la tête. Bon, écoute Vincent, tu ferais mieux de te reposer aujourd'hui. En fait, tu ferais mieux de ne pas mettre le nez dehors. Il y a comme qui dirait des gens qui jasent sur toi. Rebecca, s'il te plaît, apporte-moi une aspirine. Je m'en doutais un peu, tu vois. En fait, de non 3, 4, non, du cyanure. Je veux mourir. Bon, c'est clair que pour toi, c'est repos pendant au moins une semaine. Mais ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Rebecca? Oui? Je suis une merde. Et une bonne bière pour mon client, le roi de la résistance. Et bien sûr, c'est pour moi. Oh, allez, j'ai pas fait grand-chose. Soyez pas modeste, vous êtes un héros. Tout Bitbourg sait ce que tu as fait pour elle. Ben ouais, quoi. Des choses, très gentilles. Comme Guillaume, 12 rue Cougeret, 02-23-56-89. Carole. La guerre civile t'a rendu encore plus drôle. Eh ouais, c'est comme ça, on se refait pas. Allez, d'ailleurs, c'est ma tournée. À monsieur le maire et monsieur son conseil qui occupent à nouveau leurs fonctions, comme ça leur a toujours dû être. Ouais! Vive monsieur le maire! Vive monsieur son conseil! Vive la guerre civile! Mademoiselle, comment déjà? Ça fait plaisir de vous voir de si bon matin. Il est tout de même 2h de l'après-midi. C'est que quand on aime, on ne compte pas. Mais tranquille avec nous, j'offre à boire à tous les grands résistants de Bitbourg. Vous ne croyez pas que l'heure est venue de la grande réconciliation? Oh, vous savez, quand on a une bonne occasion de boire des coups, on lâche pas comme ça, hein. C'est un des grands adages de la profession. Carole, il faut que je vous parle. Bah, dame, c'est un café ici. C'est un peu le principe du café. Autant que je m'en souvienne, à la Joyeuse Goutte, on a toujours bu des coups et parlé, ou l'inverse. Non, parler seul. Oh, eh bien, si vous voulez parler seul, ne vous dérangez pas pour nous. Nous serons sourds comme au 17 Val des Crosseaux. Pas vrai, client? Ouais, pour sûr. Mais vous ne comprenez donc rien à rien, Carole. Oui. Allons dans votre remise. Maintenant! Mais enfin, mademoiselle Rebecca, on ne dit pas des choses pareilles à un bistrotier, et puis nous ne serons pas seuls. Patrick Fiori, mon poulpe domestique, se repose dans la remise. Eh bien, nous ferons avec. Allez! Bon, bah, comment on fait maintenant? Pensez, j'ai pas l'habitude avec un poulpe, avec une jeune fille non plus d'ailleurs. Il ne s'agit pas de ça. C'est Vincent! Ah, Vincent va nous rejoindre? Bon, bah, c'est comme qui dirait le moment. Remarquez, un bon moment en chaud, c'est bon pour l'audience. Allez! Stop, stop, stoppez tout là! Carole, je veux simplement parler. Vous parlez de Vincent David. Depuis sa dernière aventure, il ne va pas très bien. Ah, bon. C'est bon, Patrick, tu peux me lâcher. Je pense qu'il a très mal pris sa destitution. Bah, c'est que c'est pas facile d'être maire. Hein. Monsieur le maire, il a fait ça toute sa vie. Moi, je sais pas si je voudrais être maire. Enfin, Carole, ouvrez les yeux. Vincent n'a rien fait. Il s'est fait manipuler de bout en bout par Jacqueline Boubillard. Ça, c'est sûr. Elle est maligne, la Jacqueline. C'est une grande voleuse, pour sûr. Enfin, elle est en prison, maintenant. Elle le mérite bien. Elle a fait des choses très, très vilaines. Ouais. Espérons qu'elle ne s'échappera pas. Connaissant ceux qui la surveillent... Je crois tout de même qu'il faudrait la couler dans le béton pour qu'elle ne bouge plus. Ça, c'est sûr. Mais revenons à nos moutons. Je dois partir. Vous allez quitter la ville? Pas exactement. Disons que je vais me faire oublier. J'ai quelques recherches discrètes à faire. Et puis, il faut que je contacte le bureau du secteur. Le bureau du secteur ? Oui, nous sommes à Bitbourg depuis longtemps maintenant. Et je n'ai plus de nouvelles depuis longtemps. Alors, vous avez vraiment un travail ? Eh bien oui, qu'est-ce que vous croyez ? Nous avons, Vincent et moi, une fonction très importante. Et je voudrais savoir s'ils s'en sortent là-bas. Mais que va devenir Vincent David ? Dans son état, il peut pas rester seul. Justement, je voulais vous demander de vous en occuper. C'est que j'ai du boulot, moi. Oh, mais attendez, je crois que j'ai une idée. Patrick Fiori peut très bien s'en occuper. Patrick ? Votre poulpe ? Oh, vous savez, c'est un poulpe de garde. Il a été spécialement entraîné pour veiller sur des personnes. Quand ma grand-mère était malade, c'est lui qui faisait les courses. Je n'ai de toute façon pas le choix. Va pour Patrick Fiori. Surtout, dites à Vincent que je ne l'oublie pas et que je serai bientôt de retour. A bientôt, Carole. Mademoiselle Comment, déjà, vous allez nous manquer. Jacqueline, tu dors ? Jacqueline, tu dors ? Hé, Jacqueline, tu dors ? Non, je dors pas, Alberto. Je réfléchis. Et j'arriverai à rien si tu me déranges tout le temps. Tu réfléchis ? Mais t'as pas besoin de réfléchir en prison. Et c'est pour ça que j'aime bien la prison, moi. Pas besoin de réfléchir, tu manges et tu prends tes douches. Vaste programme. Je me demande pourquoi je t'ai fait sortir, tiens. Ouais, mais si, c'était chouette d'aller dehors, hein. On se promène dans la forêt, on rencontre des gens qui sont pas le surveillant matin ou monsieur le directeur. Eh, mais c'est comme quand on part en vacances, on est content de rentrer à la maison aussi. C'est pas possible d'être aussi bête. Dire que nous sommes de la même famille. Eh bien, justement, Jacqueline. Quoi, Alberto ? C'est bon de se retrouver en famille à la maison. Surtout ne pas craquer. Surtout ne pas craquer. Bon, écoute, Alberto. J'ai un plan pour nous faire sortir de là. Nous faire sortir d'où ? Mais de la prison. Tu sais, Alberto, la plupart des gens qui sont en prison et qui ont minimum de neurones, eh ben la prison, c'est un endroit où ils ont envie de sortir. Oh, comme toi, Jacqueline. C'est ça, Alberto, c'est ça. Alors, tu ouvres tes oreilles. Écoutez, grandes ouvertes. Je vais faire semblant d'avoir un malaise. Toi, tu appelles le surveillant Maton. Là, il va rentrer dans ma cellule pour voir ce que j'ai, ok ? Comme il se méfiera pas, dès qu'il est assez près, je lui saute dessus, je l'assomme, je lui prends ses clés et nous serons libres. Waouh, alors ça c'est un bon plan ça, un très bon plan. Qu'est-ce que tu peux être intelligente, Jacqueline ? Je suis content que tu... Mais Jacqueline, qu'est-ce que tu as ? Tu dors ? Mais non, Jacqueline, qu'est-ce que tu as ? Surveillant maintenant, venez vite ! Jacqueline est morte ! Jacqueline est morte ! Eh bien, qu'est-ce que c'est que tout ce rafus ? Ce n'est pourtant pas l'heure de la douche. Allons, on se calme, on me la fait pas, moi, hein ? Si Jacqueline, elle est morte ! Allons, Alberto, on me la fait pas, moi, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé, Alberto ? Eh bien, discuter avec elle tranquillement, elle était en train de m'expliquer un plan pour s'échapper. Parler d'un plan pour s'échapper, ce n'est pas très réglementaire, tout ça. Ça vaudrait bien deux jours sans douche, ça. Mais oh, oui, c'est vrai que votre ami ne va pas très bien. Je vais de ce pas aller voir ce qui lui arrive. C'est dommage, elle n'a pas fini. C'était un plan très ingénieux, hein. Elle faisait semblant d'être morte et ensuite vous alliez voir et ensuite elle se jetait sur vous et ensuite... Papa, mais ça m'a tout l'air d'un plan pour s'évader, ça. On me la fait pas, moi. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Dès que j'en aurai fini avec Jacqueline, j'irai en parler à monsieur le directeur et ça va choper pour votre matricule. Non, mais je suis bête, j'ai pas mes clés. C'est monsieur le directeur qui les a gagnés au poker. Bon, je n'ai plus qu'à aller la voir. Mais je n'oublie pas cette histoire pour autant. On me la fait pas, moi, hein. Dépêchez-vous, monsieur, maintenant, je crois vraiment qu'elle ne va pas bien. Oh, mais Jacqueline, tu te lèves. Jacqueline, tu marches, tu n'es plus morte. Jacqueline, c'est un miracle. Ouais, mais je crois plutôt que le miracle, c'est l'immensité de ta connerie. Bon, tu te dépêches, c'est à toi de jouer, non ? Ouais, bien, je serais moins nerveux si tu arrêtais de gagner tout le temps. Et puis en plus, j'ai pas l'habitude de jouer au gin rami avec un poulpe, moi. Oh non. Oui, oui, bah, domestique si tu veux, mais cela me rassure pas plus que ça. Carole t'a dit de me garder jusqu'à quand déjà? Jusqu'à ce que Rebecca revienne, ok. Mais elle revient quand? Ouais, tu ne sais pas, personne ne sait, mais ah, me voilà bien, moi. Ah, Marc, tu sais, Patrick, j'ai pas plus envie que ça de sortir. Avec ce que j'ai fait, je crois que les gens m'en veulent. Je ne leur en veux pas, remarque, hein. J'ai pas vraiment bien agi envers eux, j'ai même été ignoble. Tous ces braves gens qui m'ont accueilli à bras ouverts, j'étais malade et au bout du rouleau. Ils m'ont adopté sans poser de questions. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la place de leur mère et je mets la ville à feu et à sang. Par lobotomie, le médecin de Bilbourg, Jennifer, son infirmière, sont même morts à cause de moi. Jamais ils pourront me pardonner. Ça te fait marrer ce que je te dis? Ouais, je t'en foutrais, moi. Je t'en foutrais, moi, t'es nerveux. Tu te fous de ma gueule encore une fois comme ça et je te tombe dessus à bras raccourcis. Oui, je sais, tu en as 8 et moi seulement 2, mais... Ok, ok, je me calme. Ouais, je n'ai rien à jouer, je passe mon tour. Quoi? Encore un jean? Oh, bah, je me demande si tu ne triches pas, là. Ouais, ta mère, elle aurait plutôt dû apprendre la politesse. Non, tu vois, il faudrait que je trouve un moyen de me racheter. Il faudrait que je leur montre que je peux faire quelque chose pour la ville, quelque chose de bien. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, le bien autour de moi. Mais c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en déjouant les conspirations. En fait, c'est ça. C'est Rebecca qui a raison, il faut que j'arrête de penser aux conspirations à défaut de ne plus y croire. Bon, tu joues, là? Patrick? Patrick? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle, tu ne bouges plus, Patrick? Oh! Ce n'est pas la peine de le secouer comme ça. Il ne peut ni vous voir, ni vous entendre. En fait, il ne peut plus rien faire du tout. Abdul? Abdul Pola, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je passais par là, par hasard. Et je suis tombé toujours par hasard sur votre conversation. Vous avez un problème, Vincent? Eh bien oui, comme je le disais à Patrick, enfin, au Poulpe, je ne voulais plus sortir d'ici à moins de retrouver mon honneur. Et vous pensez vraiment que vous laverez vos péchés en restant dans votre chambre à jouer au gin rami? Eh bien... Venez avec moi, Vincent. Venez. Je pourrais vous aider à oublier ce douloureux passé. Vous pourriez? Oui, Vincent. Il faut retrouver la foi qui est en vous. Il faut oublier toutes ces histoires de conspiration. En fait, il va falloir oublier un tas de choses. Et puis, apprendre. Apprendre. Et après, les gens m'aimeront. Aussi sûr que le testicule de belette produit plus de spermatozoïdes que le nombre d'habitants sur Terre. Mais attention, je veux pas que les gens m'adulent, hein. Je veux pas refaire les erreurs du passé. Oui, oui, oui, Vincent. Les gens vous aimeront pour ce que vous êtes, et uniquement pour cela. Venez, Vincent. Vous êtes au bout du rouleau. Rebecca est partie. Vous n'avez plus rien à perdre. Mais et Patrick Fiori, c'est un poulpe de garde. Il ne me laissera jamais partir. Ne vous inquiétez pas. Patrick Fiori est neutralisé. Et pour un bon bout de temps. Allez, venez chez moi et vous allez découvrir une autre vie. Eh bien voilà, monsieur le maire, voici vos bureaux. Ils ont été abîmés par la guerre civile. Des hordes de bitans bourgeois ont envahi la mairie et ont saccagé une bonne partie du bâtiment. Mais peut-être ne voulez-vous pas en entendre plus. Si fait, monsieur son conseil municipal, si fait. J'en ai vu d'autres, vous savez. D'autres? Oui, vous savez, d'autres choses, de ces choses autres. Mais je vous prie, poursuivez. Bon, eh bien, quand ils ont vu les... Mais quoi comme chose? Eh bien, d'autres choses, de ces choses qu'on voit et qu'on ne devrait pas voir. J'en étais sûr, c'est vous qui me regardiez sous la douche l'année dernière. Enfin, pas du tout, ce n'est pas moi. Et puis j'ai arrêté dès que vous m'en avez parlé. Moi qui pensais que c'était la femme du boulanger. Et votre rideau de douche ne s'est jamais bien tiré aussi. Bon, passons. Vous voulez toujours savoir ce qui s'est passé? Plus que jamais, surtout si c'est aussi excitant que ces autres choses. Eh bien, ils ont voulu arracher les tableaux de Monsieur Vincent. Ben, c'est plutôt bien, non? Arrêtez de m'interrompre sans cesse! Le traître David les avait tellement bien collés qu'ils ont été obligés d'enlever les murs derrière, d'où les trous. Ben, je pensais que ces aérations avaient toujours été là. Eh bien, non. Alors, Monsieur le maire, vous êtes heureux de retrouver votre mairie? Ouais. De contempler à nouveau votre bureau? Ouais. De caresser votre fauteuil? Bon. Monsieur le maire, ça va pas? Eh bien non, monsieur son conseil. Mais enfin, je comprends pas, vous devriez être heureux, vous êtes à nouveau maire. Eh bien justement, monsieur son conseil municipal, c'est la première fois que je suis maire à nouveau. J'ai comme une grosse boule, là. C'est normal, monsieur le maire. Il s'agit de votre testicule gauche. Oh, vous êtes gentil d'essayer de me distraire, mais je n'y peux rien. Je me sens angoissé. Serais-je à la hauteur? Comment? Eh bien oui! Est-ce que je vais être un bon maire pour mes concitoyens? Monsieur le maire, mais vous ne vous êtes jamais posé toutes ces questions. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas. C'est peut-être toutes ces aventures, les bois et tout ça. En tout cas, il ne faut pas vous mettre martel en tête. Il ne faut jamais vous poser des questions sur vos compétences. Cela vous tuerait. Mais allons-nous promener. Ça vous nous changera les idées. Monsieur son conseil, dites-moi, ce martel, vous preniez des douches avec lui? Plutôt que d'avoir des pensées lubriques, vous feriez mieux de surveiller vos habitants. Tenez, regardez là-bas. Où ça? Regardez cette jeune femme-là. Je l'ai jamais vue. Elle ne semble pas être de notre bonne ville de Bitbourg. Mais oui! Qui est cette femme avec le paysan? Et pourquoi donc lui montre-t-il ça? Mais enfin, le paysan est devenu complètement fou! Il a montré ça! Il a montré ça! À une femme qu'il ne connaît même pas! Il a montré ça! Il a montré ça! Lui qui est si pudique! Il a montré ça! Il a montré ça! On raconte qu'il ne fait même pas pipi devant ses animaux! Il a montré ça! Il a montré ça! Sa bite, monsieur le maire! On dit sa bite! Oui, il te voit, mais faut lui doubler! Paysan, vous pétez les plombs! Qui est cette femme? Igor et Grishka Bogdanov. Igor et Grishka Bogdanov. Au bureau du secteur? Ça me dit quelque chose. Ah mais oui, c'est là que travaillent monsieur David et la belle Rebecca. Mais que vous voulait-elle? Oui, c'est Rebecca, il est Vincent David, les châtiers, les enquêtistes, vous les vérifiez que bon, la chemin tout ici, non, le malade, le monsieur Dumbou, là, il pousse un tien. Mais pourquoi diable, monsieur le maire? Si vous ne pouvez pas finir votre phrase, vous n'avez qu'à dire autre chose. Vous n'avez qu'à dire, il a montré sa chope. Mais pourquoi lui avez-vous montré sa chope? Elle est vraiment très forte. Convaincu de me montrer ma bite. Je veux rencontrer cette femme. Je veux lui parler. Je veux qu'elle me pose des questions et que je sois obligé de lui montrer ma chope. Où est-elle? Où est Igor et Grishka Bogdanov? Elle a disparu. Elle était là il y a une seconde. Elle s'est tout simplement volatilisée. Et bien qu'on la fasse chercher. Mettez toutes les forces de l'ordre à sa recherche. Je veux qu'on la retrouve avant qu'elle ait vu toutes les chopes de Bitbourg. Eh bien dites donc, votre arrière-boutique, je la voyais pas aussi grande. Je comprends pas, votre épicerie à côté est si petite. Chut, ne vous énervez pas, Vincent. Mais je m'énerve pas, je m'interroge. Il ne faut plus vous interroger comme vous le faisiez avant. Il y a des choses que l'on ne peut pas comprendre si on les considère comme des évidences. Ouais, cela ne veut rien dire ce que vous dites là. Du calme, vous comprendrez bientôt. Mais avant, vous passerez par des moments de doute. De nouvelles questions assailliront votre tête. De nombreuses choses que vous allez voir, entendre, vont vous paraître bizarres. Comme du beurre. Du beurre? Oui, beurre du Haut-Rhin. Mais dites-moi, Abdoul. Non, il n'y a plus d'Abdoul. Fini, Abdoul l'épicier. Désormais, je serai Maître Abdoul. Bien, Maître Abdoul. Bien. Et toi, je dois te trouver un nom de disciple. Voyons. Pour toi qui crois tout connaître de la vie alors qu'il n'en est rien, je t'appellerai Rotankinetikamplangpang. Et qu'est-ce que ça veut dire, Maître Abdoul? Celui qui ne croyait pas, ne croit pas et ne croira pas à la grande conspiration. C'est un peu compliqué, mais du point de vue autosuggestion, c'est excessivement efficace. Rotankinésie... Mais ce nom ne devra jamais être formulé en public. Jamais. Et pourquoi, Maître Abdoul? Parce qu'il est vraiment trop galère à prononcer. Tu nous imagines, dans une prochaine scène, le prononcer une bonne dizaine de fois? Votre enseignement est vraiment étrange, Maître Abdoul. Mais éprouvez, mon bon disciple, éprouvez. J'ai remis sur le droit chemin des cas beaucoup plus désespérés que toi. Tiens, pour l'instant, prends ceci. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une chope, sauf qu'elle n'a pas d'anse. Elle a une forme bizarre. C'est une chope de ma composition. Mais ne faites pas attention, buvez. Il n'y a rien à l'intérieur. Long est le chemin qui vous mènera à la guérison et à la clairvoyance. Allez, buvez. Eh bien, Maître Abdoul. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous voyez l'état de la poisson et fruits de mer de ma modeste épicerie? C'est l'endroit qui ne sent pas très bon et où il y a plein de mouches. Oui. Eh bien, vous allez me faire l'inventaire de toutes les espèces présentes sur ce rayon. Animales, végétales et minérales. Bien, Maître Abdoul. Ah, merci, Maître Abdoul. Je me sens déjà mieux. Je sens que je vais beaucoup apprendre avec vous. Plus que vous ne le croyez, Vincent. Plus que vous ne le croyez. Monsieur le directeur, il est arrivé une chose horrible. Bien parlé, surveillant Maton, qu'y a-t-il? Quelque chose d'affreux, d'incroyable. Dites donc. Cela va vous paraître terrible, moi-même j'ai du mal à m'en remettre. Mais enfin, qu'est-ce? J'ai oublié, tant pis. Bon, eh bien en attendant que cela vous revienne, j'ai à vous entretenir d'un événement de la plus haute importance. Important comme ma terrible nouvelle, monsieur le directeur? Certainement plus, surveillant Maton, certainement plus. Une enquêtrice du bureau de secteur a sollicité une entrevue dans notre bon centre de détention Jacqueline Boubillard. Le bureau du secteur? Oui, je ne sais pas non plus ce que c'est, mais ça a l'air important. Être employé au bureau du secteur, ça vous pose un homme, enfin, une femme, enfin bref. Enfin, je m'arrête plus sur le terme enquêtrice que sur le terme bureau du secteur. Ça oui, une enquêtrice, c'est un peu quelqu'un comme vous et moi, c'est quelqu'un qui enquête, qui surveille, quoi. Exactement, surveillant Maton, vous avez l'analyse fine. Mais nous devons pas nous réjouir trop tôt. Je ne sais pas pour quelle raison Igor et Grishka Bogdanov veulent nous voir, mais vous savez ce que c'est une enquêtrice, ça ne peut pas s'empêcher de fureter, de poser des questions indiscrètes. Monsieur le directeur, vous avez bien dit Igor et Grishka Bogdanov? Eh bien oui, vous la connaissez? Un peu si je la connais, elle est connue comme le loup blanc parmi les inspecteurs et les surveillants. C'est la plus sournoise des enquêtrices qui existent, elle n'a jamais une affaire et personne n'a jamais réussi à la tromper. Les coupables tremblent devant Igor et Grishka Bogdanov, et personne ne l'a jamais trompée. Oui. Notez que nous n'avons rien à nous reprocher. Ça non, monsieur le directeur. Si nous avons peu de détenus, c'est uniquement parce que notre système de prévention est très efficace. Pour sûr, monsieur le directeur. Et s'il y a eu des évasions, c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour sûr, monsieur le directeur, mais... Oh, mais ça me revient maintenant. Alberto et Jacqueline Boubillard tentent actuellement de s'échapper. C'est ça que j'avais oublié tout à l'heure. Mais bougre d'imbécile, vous n'auriez pas pu le dire plus tôt. Vite, il faut aller aux cellules, vite. Plus vite. Je fais ce que je peux. Eh bien, plus vite quand même. Oh, regardez, Alberto Larré dans la cellule de Jacqueline Boubillard. Oh, mais arrête, Jacqueline. Arrête de me taper, ça fait mal. Espèce de taré de la nature. Quand je t'ai dit de creuser un tunnel vers l'extérieur, il fallait le creuser vers l'extérieur de la prison et pas vers ma cellule. Mais je savais pas, moi. Et puis maintenant, c'est plus convivial. La famille réunie. Mais non, arrête, Jacqueline, pas la tête. Et alors, je frappe à la porte de Monsieur Vincent, rien, pas de réponse. Je refrappe, rien. Alors j'appelle une, deux fois, puis je rentre. Et là, qu'est-ce que je vois? Patrick Fury, mon poulpe domestique, seul et complètement immobile au milieu de la pièce. Et David Vincent, il était où? Ça j'en sais rien, mais quand j'ai vu mon poulpe, j'avoue que je me suis pas posé la question. Il était tout raide et il réagissait pas du tout. D'habitude, je lui chante du Lara Fabian et il bouge sa tête comme ça. Mais là, rien. Et maintenant, comment il va? Oh, vous savez, il est robuste, hein. Il se repose dans la remise. Mais je me demande bien ce que lui a fait Vincent David. Vincent David? Vous avez bien parlé de Vincent David? Vous êtes qui, vous? Elle est pas de chez nous. Je me présente. Igor et Grishka Bogdanov, enquêtrice chargée au bureau du secteur, spécialiste de la fraude sexuelle. Vous allez bien? Vous en êtes sûr? Ouais. Mais vous dites que vous vous appelez Igor et Grishka Bogdanov. Oui, et alors? Ils sont deux. Et alors? Vous avez déjà réussi à voir la différence? Alors cessez de m'importuner avec ça. Vous dites que vous connaissez bien Vincent David? Et Rebecca, comment déjà? Pour sûr que je les connais, et les deux. Ils habitent dans mon auberge. Mais ce sont des bons clients? Oh, ils sont un peu remuants, mais dans l'ensemble, ça va. Je peux les voir. Vous n'avez pas de chance, Rebecca est justement partie voir vos collègues du bureau du secteur et Vincent, il a disparu. Disparu, intéressant. Est-ce que je pourrais voir leur chambre? Oh, vous savez, à part des balais, il n'y a pas grand-chose, hein, mais suivez-moi. Alors voilà, c'est un peu rustique, mais il faut dire que j'ai pas eu de clients avant eux. Bien, bien. Je vois un lit et un matelas par terre. Intéressant. Oui, ils mettent un point d'honneur à dire qu'ils ne couchent pas ensemble. Ils se défendent comme des beaux diables quand on leur en parle. Ah, une telle véhémence à nier un fait, souvent signe de culpabilité. Intéressant, je le note. Ils vous ont déjà parlé de leur travail ? Oh, bah, ils restaient toujours vagues sur leur activité d'avant Bigbourg, mais... Il faut dire qu'on leur a posé très peu de questions, et puis ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Tiens donc. Bah tiens, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il était maître de cette ville et il régnait en tirant sur la ville, jusqu'à ce que la résistance le déboulonne. Tiens, tiens, exercice de fonction municipale pendant une période de congé maladie, je le note. Dites-moi, vous saviez que Vincent David et Rebecca comment déjà travaillaient au bureau du secteur ensemble? Vous ont-ils parlé de leurs activités? Bah oui, ils m'en avaient parlé, mais ils sont pas rentrés dans les détails. Et vous saviez que Monsieur David était en congé maladie? Je m'en suis douté. Vous ont-ils parlé de cette maladie? Ah, ça oui, toute la ville est au courant, c'est la maladie de Monsieur Dumbo qu'ils appellent. La maladie de Monsieur Dumbo, intéressant, je le note. Mais dites-moi, Carole, je peux vous appeler Carole? Oui. Vous connaissez bien cette maladie? Eh bien, pas plus que ça, quoi. Vous avez tort, il faut connaître les maladies. Sinon, on risque de les attraper sans même s'en rendre compte. Oh, bah non, ça va bien, quand même. Comment vous pouvez en être sûr? Si ça se trouve là, vous êtes en train de me parler et vous contractez insidieusement ce virus. Mais enfin, non! Bien sûr, il y aurait bien moyen de le savoir. Bah, enfin, vous croyez? Mais oui, laissez-moi vous ausculter, ça ne prendra pas longtemps. Mais non! Si! Enfin... Allez! C'est-à-dire que... Montre-moi ta maladie, grand fou! Ah oui, vas-y, la voilà, ma chope! Pas de signe de faiblesse, bonne tenue. Vous n'êtes pas infecté, je le note. Mais que... Voici ma carte. Je ne sais pas encore où je vais dormir, mais vous pouvez m'appeler sur mon portable. Alors si vous voyez Monsieur David ou Mademoiselle comment déjà, n'hésitez pas à appeler. À bientôt! Ah ça! Mais comment j'ai fait pour lui montrer... Moi qui suis si pudrique, cette femme est dangereuse, il faut absolument que j'en parle à Papy Fiori. Eh bien ça y est, Maître Abdoul, j'ai noté sur ce rapport toutes les différentes espèces notées sur votre étal de poissons et fruits de mer. Mais il y a quelques espèces que j'ai pas réussi à... Oui, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous déchirez mon rapport que j'ai mis des heures à faire. La vie est ainsi, Vincent. Nous faisons souvent des travaux longs et pénibles qui finalement ne servent à rien. Méditez cela, Vincent. Bien, Maître Abdoul. Maître Abdoul ? Oui, Vincent. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Rentrez chez vous. Ma formation est terminée ? Non, Vincent. Mais vous devez aussi vivre votre vie et intégrer mon enseignement à vos actions de tous les jours. Allez, Vincent, rentrez chez vous et revenez me voir demain. Oui, Maître Abdoul. Je suis heureux d'être votre disciple. Je sens peu à peu le passé qui s'éloigne de moi. Alors, surveillant Maton, avez-vous bien fait tout ce que je vous avais dit pour accueillir l'enquêtrice chargée du bureau du secteur? Oui, monsieur le directeur, tout est prêt. La prison est nettoyée? Propre de haut en bas, comme nous n'avons plus de femme de ménage, je m'en suis occupé personnellement. Les prisonniers sont présentables? Ils ont pris 2 douches chacun, et faites-moi confiance, ils ont frotté. Notre prison apparaît-elle comme la plus efficace et la moins chère de tout le pays? Comment? Les comptes et les rapports ont-ils été maquillés? Si vous saviez, je me suis vraiment appliqué. Bien. Alors nous sommes prêts, et comme nous sommes prêts et que ce scénario n'admet aucune longueur, on devrait frapper à la porte. Vous voyez? C'est effectivement très pratique. Surveillant Maton, veuillez aller ouvrir la porte. Oui, monsieur le directeur. Bonjour, je m'appelle Igor Grishka Bodganov. Je suis enquêtrice chargée au bureau du secteur, spécialiste de la fraude sexuelle. Vous allez bien? En êtes-vous sûr? Oui, enfin je crois... Je suis monsieur le directeur, directeur du centre de détention Jacqueline Boubillard. Et voici le surveillant Maton, surveillant du 10 centre. Bonjour, oui, bonjour. Eh bien, vous désiriez nous voir? Oui, Je procède actuellement une enquête de routine sur deux nouveaux membres de votre communauté. Il s'agit de Vincent David et Rebecca comment déjà ? Vous les connaissez ? Eh bien oui, certaines de leurs dernières aventures les ont rendues populaires. Enfin, je devrais dire plutôt que toute la ville associe généralement leur nom à une série d'insultes assez... imagées. Intéressant, je le note. Mais ceci n'est pas de mon ressort. Je suis spécialisée en fraude sexuelle, comme je vous ai dit, et j'ai déjà été envoyée pour vérifier que Monsieur David est bien malade et ne se paie pas des congés aux frais du bureau du secteur. Vous êtes au courant de la maladie de Monsieur David ? Tout à fait. Toute la ville est au courant et des fax ont été envoyés aux plus grands organes de presse du pays. Comme vous le voyez, nous avons bien fait notre travail. Avez-vous pu constater l'état de cette maladie, la maladie de Monsieur Dumbo, sur le patient ? Ça oui. On peut dire que ces temps-ci, Monsieur David nous a bien trompés. Intéressant, je le note. Et savez-vous où il se trouve ? Eh bien, je ne les ai pas vus depuis longtemps. Mais il faut dire que nous n'avons pas trop de temps à nous acharner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à garder cette prison comme une prison modèle. N'est-ce pas, surveillant Maton ? Tout à fait, monsieur le directeur, tout à fait ! Mais dites-moi, une question me brûle les lèvres. Eh bien, posez-la donc. Vous êtes sûr ? Eh bien, oui, allez-y. Vous vous appelez bien Igor et Krishta Bogdanov ? Oui, et alors ? Ce sont deux personnes. Et alors ? Vous avez déjà pu faire la différence entre les deux ? Non. Alors cessez de m'importuner. Et puis d'ailleurs, vous-même avez un nom bien étrange, monsieur le directeur. C'est votre vrai nom ? Eh bien oui, c'est mon nom, monsieur le directeur. Donc vous êtes un homme ? Non, je suis une femme. C'est tout de même bien étrange. Dans monsieur le directeur, il y a monsieur, donc vous êtes un homme. Non, je suis une femme. Je ne crois que ce que je vois. Je suis une femme, merde, et puis tenez, vous allez voir, puisque vous ne me croyez pas. Non, monsieur le directeur, mais qu'est-ce que vous faites ? Mon Dieu ! Mais elle enlève ses vêtements ! Oh oui, allez, déshabille-toi, grande fou. Oh mais c'est que ça ne va pas traîner, vous allez voir. Allez, or, je suis un homme, peut-être ? Intéressant, le sujet est une femme, intéressant, je le note. Mais dites-moi, vous avez des prisonniers dans ce centre de détention ? Eh bien oui, c'est même ce qui fait notre grande fierté. En ce moment, il y a même une femme qui a assidûment fréquenté le suspect David ces derniers temps. Elle s'appelle Jacqueline Boubillard. Ah, une femme, tant pis. Allons la voir. Je vous montre. Et que fait-on pour votre surveillant ? Oh, je n'avais pas vu, il s'est évanoui. Dites-moi, vous croyez que je peux, pour mes statistiques ? Eh bien, je crois que le surveillant Maton n'est pas en mesure de donner son avis. Faites votre travail, je vous attends dehors. Alors, si je comprends bien, vous, Jacqueline Boubillard, avez côtoyé de près Monsieur Vincent David, chargé au bureau du secteur. Oui, de très près même. Précisez ? Je suis en mesure de faire des révélations sur l'état de santé de Monsieur David. Intéressant, poursuivez. Je vais parler. Mais avant, j'ai envie de faire une petite balade. Pas toi, Alberto ? Oh ben tu sais, hein, moi, les balades... Aïe, aïe, oui, j'ai bien envie de faire une balade. Mais c'est tout bonnement impossible. Igor et Brichka Bordanov, je pourrais vraiment faire avancer votre enquête. Mais je ne parlerai pas dans cette cellule. Il n'est pas question qu'elle sorte. Elle est trop fourbe. Elle va s'évader. Monsieur le directeur, vous saviez que les comptes de la prison sont abominablement maquillés. Mais non, c'est faux. Ah bon, eh bien, regardez ces rapports. Ce sont bien les rapports annuels de votre centre de détention ? Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Du rouge à lèvres, du blush ? Surveillant Maton, qu'avez-vous fait ? Eh bien, vous m'avez demandé de maquiller les rapports, alors je les ai maquillés. Et mal en plus, regardez cet ignoble. Vos comptes maintenant, on dirait une pouffe. Vous êtes fait, monsieur le directeur. Je peux vous envoyer en prison jusqu'à la fin de vos jours. Je vois ce qu'il me reste à faire. Surveillant Maton, veuillez ouvrir la porte. Mais surveillez-la bien. Bien ! Oui, bien ! Enfin, je sors. Viens, Alberto. Oh ben non, aïe ! Oh, oui, j'arrive. Et maintenant ? Je veux que le directeur et le surveillant entre dans la cellule. Ah non, cela n'est pas possible ! Vous voulez que je vous remontre comment votre sbire a transformé vos rapports en prostituée du bois de Boulogne ? Ce ne sera pas la peine. Surveillant Maton, rentrons dans cette cellule. Mais ce n'est pas possible, ils vont s'enfuir ! Ils se sont déjà enfuis alors. Et puis je ne tiens pas à finir en prison. Enfin, de ce côté de la grille, je veux dire. Igor et Grisha Bogdanov, soyez raisonnables, vous ne pouvez pas les laisser s'échapper. Je suis spécialiste de la fraude sexuelle, moi. Je me fiche de savoir si les prisonniers sont en dehors ou en dedans de la prison. Vous me paierez ça. Intéressant, je le note. Venez, Jacqueline. Encore une fois, je vous roule dans la farine et je triomphe. Je vais me mettre au vert. Mais rassurez-vous, je reviendrai bientôt. Et vous entendrez parler de moi, soyez-en sûrs. Allez, viens, Alberto. Igor et Grishka Bogdanov, je suis à vous. Oui, bien, allons-y. Mais au fait, quand avez-vous fait votre dernier check-up médical? Vous savez que des maladies comme celle de Monsieur Dumbo peuvent nous tomber dessus sans crier gare. Avez-vous déjà montré votre shop à quelqu'un de compétent? Non, parce que c'est très important de consulter un spécialiste.